Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD passe à l'heure d'été. En pédalo ou seul au boulot, en randonnée dans une chaise longue ou tranquille dans la ville, 53 minutes de rediffusion choisies dans la série documentaire. Cette semaine, Louis Pasteur, une série d'Olivier Chomel réalisée par Rafik Zénine. Au départ de cette série, il y a le barbu pensif en blouse et nœud papillon, au regard plongé dans une bouteille de verre, le bras appuyé sur un épais volume. Louis Pasteur est un ogre scientifique et on a envie de savoir comment il s'est fabriqué. Alors pour commencer, les personnages. Un chercheur, un petit-fils confit, un jeune chimiste ambitieux, un adversaire, un médecin, des biologistes admiratifs et des conservateurs amusés. Ensuite, le décor. Des cristaux d'acide, la maladie du vin, des microbes, des archives, un gazomètre, des microscopes, une boule à neige, des souris et la mer de glace. Aujourd'hui, premier épisode, on arrive à la cantine. Les gens fonctionnent beaucoup avec une idée de Pasteur, avec des représentations sur Pasteur et sur une époque. Daniel Rejvarg. Que les historiens des sciences ou les historiens de la vulgarisation des sciences, qui est un peu mon travail, progressivement nous avons modifié un petit peu en rajoutant, en complétant une manière de travailler Pasteur très très différente. Et cette manière-là n'est pas forcément connue du grand public. Alors je peux donner un exemple si ça vous intéresse. L'exemple c'est un texte et une chanson, un texte et une anecdote, on va dire plutôt ça, qui était dans les journaux de vulgarisation de l'époque, qui date de 1886. Qui dit à peu près ceci, Madame Chapuzot a effaré chez son docteur, « Venez vite docteur, ma fille se tord, je crois qu'elle a choléra. » « Ah vraiment ? Oui, vous comprenez, c'est en mangeant des fruits et elle a avalé un crobe. On dit un microbe, Madame Chapuzot. Pensez donc, quand on est dans ces états-là, ça doit être un crobe tout entier. » Pasteur va s'attaquer au problème. Il y consacrera quelques 10 années et finalement il s'apercevra de ceci. Les cristaux d'acide tartrique sont dissymétriques. Les cristaux d'acide paratartrique sont symétriques. Voici révélé du coup le principe de la dissymétrie moléculaire. Et ceci va nous mener loin. C'est la stéréochimie qui prend naissance. Ce sont des ponts jetés entre cristallographie, chimie et physique, trois sciences jusqu'alors séparées. Et toute l'œuvre de Pasteur va logiquement découler de cette source initiale. Vive les tartrates, à bas la génération spontanée. Olivier Chomel, Rafik Zénine. Il est dans cette intuition géniale, en fait. Philippe Brunio. C'est une logique inflexible du cristal à l'hôpital. Et effectivement, on est parti de la cristallographie pour arriver aux maladies humaines et protéger les hommes avec la santé publique. Et par étapes successives, mais avec un enchaînement complètement poursuivi dans un même axe, poursuivi avec, on va dire, la même volonté, le même enthousiasme, et puis surtout avec la même rigueur scientifique et surtout intellectuelle dans l'idée de Pasteur, eh bien, on arrive au vaccin contre la rage et ensuite, avec ses continuateurs, à beaucoup d'autres vaccins. On est au 19e siècle et tout est à découvrir. Les maladies du vin, c'est le modèle expérimental pour les maladies infectieuses. Chaque maladie du vin correspond à un microbe. Ensuite, chaque maladie infectieuse correspond à un germe particulier. Le vaccin contre le choléra des poules, là, c'est une note qu'il réalise dans sa maison d'Arbois en avril 1880, quand il est en vacances. C'est la note où débute l'immunologie moderne. Et le vaccin contre le choléra des poules, eh bien après, c'est la succession d'autres vaccins pour aboutir au vaccin contre la rage. Louis Pasteur Valéry Radeau, petit-fils de Louis Pasteur. Ce que je veux vous dire, c'est que dès ses premières recherches sur les fermentations, il a eu l'idée que les maladies contagieuses étaient dues à un ferment, exactement comme les fermentations sont dues à un ferment. Et il n'a pas pensé à faire des études de médecine? Jamais. Il a commencé par la chimie et la physique, et c'est plus tard seulement qu'il est arrivé à la médecine. Oui. Car il n'était pas médecin. Je crois qu'il a pratiqué l'art d'être grand-père comme personne. Bien, j'ai surtout le souvenir de mon grand-père lorsque j'étais tout jeune, quand j'avais 6 ou 7 ans ou 8 ans, et lorsqu'il venait dans notre domicile, rue de Grenelle, où j'étais chez mes parents, il montait les étages de son pas lourd, pénible, étant donné son hémiplégie du côté gauche, et arrivé dans le bureau de mon père, il prenait ma sœur et moi sur ses genoux et nous racontait des histoires charmantes. Il était vraiment le meilleur, je crois, des grands-pères. La dissymétrie est la marque de la vie, déclare Pasteur, au milieu du XIXe siècle. L'affirmation paraît un peu insolite. Pourtant, elle est sans doute l'illustration parfaite de l'extraordinaire puissance intellectuelle de cet homme. De plus, c'est un chimiste d'à peine 30 ans qui a fait presque tout seul cette découverte absolument capitale, peut-être la plus belle de toute sa carrière scientifique. Une dizaine d'années plus tard, un Pasteur déjà plus aguerri décidera de s'attaquer à une très ancienne controverse, celle de la génération spontanée, qui consistait à penser que la vie pouvait naître de rien, que des êtres vivants pouvaient naître sans parents semblables à eux. Il mettra toute son inventivité en œuvre pour réfuter cette théorie et de la façon la plus spectaculaire. Voilà, ça c'est les échantillons qui ont été manipulés par Pasteur. Là. Ouais. L'acide racémique, le tartrate droit. Ce n'est pas l'écriture de Pasteur parce qu'il y a eu un incendie, donc les étiquettes ont été modifiées, mais par contre, c'est des échantillons manipulés par Pasteur. Et là, vous avez une autre époque de la vie de Pasteur avec les bouillons, donc les expériences sur la génération spontanée. Uh-huh. Voilà. Alors, les cristaux de tartrate pour un béotien sont un peu informes, Clotilde Policard. Oui, ils sont un peu informes. Là, en plus, ils sont abîmés par le temps. Oui. Mais en fait, ils sont normalement transparents, translucides, je dirais peut-être plutôt que légèrement blancs, latessants peut-être un peu. Et il y a des faces qui sont orientées. On en devine une face à nous, là, une petite face. Est-ce que vous voyez, il y a un angle. Dans le racémique ou dans le tartrate droit ? Dans le tartrate droit, qui est vers moi. Il y a une petite face qu'on voit comme ça. Non, vous ne la voyez pas. Le cristal qui est le plus en bas. Et en fait, il y a de nombreuses petites faces qui sont orientées d'une certaine manière et qui font que l'image du cristal dans un miroir n'est pas superposable au cristal lui-même. C'est ça qui fait que c'est remarquable. J'étais élève à l'école normale supérieure de 1843 à 1846. Le hasard me fit lire à la bibliothèque de l'école une note du savant chimiste cristallographe Mitscherlich relative à deux combinaisons salines, le tartrate et le paratartrate de soude et d'ammoniac. Dans ces deux substances, concluait Mitscherlich, à la suite de l'étude approfondie de toutes leurs propriétés, la nature et le nombre des atomes, leur arrangement et leur distance sont les mêmes. Cependant, le tartrate dévie le plan de la lumière polarisée et le paratartrate est indifférent. Je méditais longtemps cette note. Elle troublait toutes mes idées d'étudiant. Je ne pouvais comprendre que deux substances fussent aussi semblables que le disait Mitscherlich, sans être tout à fait identiques. Savoir s'étonner à propos est le premier mouvement de l'esprit vers la découverte. Louis Pasteur, conférence à la Société chimique de Paris, 22 décembre 1883. Quand on considère, Maxime Schwartz, le sommaire des sujets auxquels s'est intéressé Pasteur, on peut avoir, en premier examen, l'impression que c'est assez discontinu. Et en fait, c'est sous-tendu par une vraie logique. On peut commencer peut-être par... ce sont quasiment ses premiers travaux, donc sur les cristaux de tartrate. Ça n'est pas le plus simple à décrire. Oui, ses premiers travaux de Pasteur sont en fait les moins connus du grand public et ce sont peut-être les plus originaux et dont les conséquences sont peut-être les plus grandes. Et la raison pour laquelle c'est moins connu, c'est effectivement un peu plus compliqué à expliquer, mais je vais essayer d'être simple. Le point de départ, c'est ce fameux tartre donc qui se dépose au fond des cuves où on fait du vin. Ce tartre est essentiellement composé de ce qu'on appelle l'acide tartrique ou des sels de l'acide tartrique qui sont les tartrates. Bien. Alors, ce tartrate avait une propriété qui était commune à plusieurs autres composés d'origine organique, c'est que ces solutions étaient capables de faire tourner le plan de la lumière polarisée. Alors c'est là que tout le monde décroche. En fait, c'est pas très compliqué. Il faut savoir que la lumière, c'est des vibrations qui sont dans les trois dimensions. Et la lumière polarisée, c'est quand la lumière est passée sur un dispositif particulier qui permet de sélectionner les vibrations dans un seul plan. Donc, à ce moment-là, avec un appareil qui s'appelle le polarimètre, on peut visualiser ce plan dans lequel la lumière polarisée se propage. Eh bien, si on fait passer la lumière dans un tube qui contient de l'eau, on voit ce plan de polarisation qui est vertical. Mais si on met à la place de l'eau une solution de tartrate, par exemple, eh bien, on va constater que le plan est dévié, il est tourné vers la droite. Ça, c'était connu depuis longtemps. Il se trouve qu'un industriel avait donc préparé son tartrate, et ce tartrate avait une propriété très étrange, c'est qu'il n'avait aucun effet sur la lumière polarisée. Alors ça, c'était un phénomène qui étonnait beaucoup les chimistes. Comment ça pouvait se faire qu'on ait deux produits, le tartrate classique et ce nouveau tartrate qu'on a appelé après paratartrate, l'un qui avait un effet sur la lumière polarisée, l'autre qui n'avait pas d'effet, alors que c'était théoriquement les mêmes molécules. Qu'est-ce que c'est que ce manuscrit? Il n'y a pas d'indiscrétion, tiens, lis. Le test de physique. Étude des travaux de M. Billot sur la polarisation rotatoire des liquides. Application de la polarisation rotatoire des liquides à la solution des diverses questions de chimie. Oh là là! Oui, c'est ma thèse. Hein? Je pense la soutenir en juillet prochain. Moi, je ne veux pas mettre mon nez dans ces lignes savantes. Je suis un littéraire. Veux-tu que j'essaye de t'expliquer mes petites découvertes? Allons, puisque tu en meurs d'envie. J'ouvre toutes grandes mes oreilles. Écoute, une énigme intrigue nos maîtres à propos de la cristallographie. Deux substances cristallines, le tartrate et le paratartrate, ont la même formule. Ouais. Et cependant, la solution de l'une a une action sur la lumière polarisée, alors que l'autre laisse cette lumière indifférente. Hein? Tu me suis? Oui. Eh bien, je pense que ces deux substances cristallines ne sont pas absolument semblables. Alors, j'ai beaucoup observé et travaillé la question. Si la formule chimique est la même, il doit exister plusieurs modes d'arrangement des atomes. Et je crois comprendre la loi suivante. Les produits de la nature vivante sont actifs sur la lumière polarisée, alors que les produits minéraux sont inactifs. Clotilde Policard, vous êtes professeur de chimie à l'École normale supérieure. Ludovic Julien, vous êtes professeur de chimie à l'Université Paris 6 et vous exercez à l'École normale supérieure. Je vais vous demander de nous transporter dans l'univers mental scientifique de Louis Pasteur lorsqu'il fait ses expériences qui démontreront la dissymétrie moléculaire. C'est un sujet un peu abstrait qui peut toucher à la métaphysique tant qu'on y est. Inspectons, à la manière de Pasteur, des cristaux d'acide tartrique et paratartrique. Je dirais que ce qui est le plus difficile, y compris en tant que chimiste, c'est de se mettre dans l'état d'esprit de Pasteur et des chimistes de l'époque, qui ne concevaient pas ni l'atome ni la molécule. Tout ce qu'a apporté Pasteur, ça a été de permettre d'arriver à une représentation moléculaire de la matière à travers une représentation tridimensionnelle des molécules. Donc le point de départ, qu'est-ce que c'est? C'est une représentation de la matière qui est plutôt une représentation de type presque encore directement héritée des alchimistes, avec l'idée que la matière, c'est un substrat continu. Donc on va, pour passer d'une matière à l'autre, on va mélanger deux pâtes à modeler, comme on mélange une pâte à modeler jaune et une pâte à modeler bleue pour obtenir une pâte à modeler verte. Mais on n'est pas de l'ordre du Lego qu'on va empiler pour construire un édifice pierre à pierre. Et ce que va apporter Pasteur, comme représentation, c'est cette image-là. Donc il n'est pas le seul, bien sûr, mais l'image de la dissymétrie moléculaire va dans le sens, si on a une dissymétrie moléculaire, alors c'est que les molécules ont une forme. C'est ça que va apporter Pasteur avec les acides tartriques. Oui, pour préciser ce que dit Clotilde, il faut bien voir que cette idée qu'on ait une idée de la composition sans une représentation précise des objets, c'est quelque chose qui caractérise en fait tout ce 19e siècle, et essentiellement jusqu'à l'émergence de la chimie organique, d'un certain nombre de champs de la chimie qui vont aider à décanter finalement ce qu'est une molécule, non pas dans sa dimension, mais dans sa structure. Et donc c'est une aventure de 50 ans qui est une des plus belles réalisations en fait historiques de la chimie. C'est splendide, en tout cas pour un chimiste moderne, c'est toute la partie pionnière en fait de la chimie qui a été réalisée dans ces années-là. Quelles sont les étapes du travail de Pasteur? Quelles sont les manipulations auxquelles il procède? On se figure un petit peu un travail réalisé avec des bouts de ficelle, enfin avec très peu de moyens en tout cas. Les outils d'analyse de l'époque, suivant par exemple ce que Lavoisier a fait, sont déjà la balance et le gazomètre, c'est-à-dire qu'en gros on va mesurer des masses et on va mesurer des volumes, mais d'une manière précise et exigeante, donc comme étant un outil constitutif de l'activité du chimiste. Et puis ensuite, au niveau des outils utilisés au cours du travail de Louis Pasteur, on va avoir le polarimètre et le goniomètre. Donc le goniomètre, qui est un outil qui permet de mesurer des angles entre des faces cristallines. Donc son activité au quotidien, c'était préparer des solutions, les caractériser en termes, on dirait, de pH, d'acidité, si on veut, aujourd'hui, pour être sûr que finalement la préparation a été correctement effectuée, et à partir de là, faire des cristallisations. Cette partie-là, on l'a reproduite avec Clotilde, finalement, il n'y a pas si longtemps. Elle est extrêmement délicate et les savoir-faire sont essentiellement perdus dans ce domaine. Concrètement, on place une solution de tartrate dans un cristallisoire et on laisse évaporer. Dans des conditions de pH précisées. Donc en fait, il joue sur le pH pour obtenir les cristaux adaptés. Et à une certaine température, cet acide qui en apparence est nouveau, qui a toutes les propriétés de l'acide tartrique, mais qui ne fait pas tourner le plan de polarisation de la lumière. Et là, on ne comprend pas parce que c'est un vrai paradoxe par rapport à la notion d'espèce chimique. Et c'est là qu'il a eu l'intuition qui est la plus importante, c'est de se dire, au fond, les molécules de tartrate, Maxime Schwartz, doivent, tout comme les cristaux, non pas être identiques, mais être comme l'image l'une de l'autre dans un miroir. Et ça, c'était très important, parce que c'est la première fois où on commençait à penser aux molécules comme des objets tridimensionnels et dont la position des atomes dans l'espace pouvait avoir une signification. L'image qu'on propose souvent, c'est la main droite et la main gauche. Oui, c'est la main droite et la main gauche, il y en a d'autres, il y a l'escalier en colimaçon dans un sens et l'escalier en colimaçon dans l'autre, etc. L'escalier en colimaçon, ça peut un petit peu faire comprendre les choses en se disant que quand la lumière passe dans un escalier en colimaçon, bah, ça va la faire tourner, si vous voulez. Pasteur, d'une certaine manière, a eu beaucoup de chance. Il a été capable de repérer, donc ça c'est l'œil du, vraiment l'œil, le fait qu'il ait été préparé par toutes ses études préalables en cristallographie, qu'il ait été capable de repérer dans cette population mélangeant des mains droites et des mains gauches, il a été capable de voir, contrairement à ses prédécesseurs, qu'il y avait effectivement une population de main droite et une population de main gauche. C'est ça qui est remarquable en fait. L'idée heureuse me vint d'orienter mes cristaux par rapport à un plan perpendiculaire à l'observateur. Et alors je vis que dans cette masse confuse des cristaux de paratartrate, il y en avait de deux sortes sous le rapport de la disposition des facettes de dissymétrie. Chez les uns, la facette de dissymétrie la plus rapprochée de mon corps s'inclinait à ma droite, tandis que chez les autres, la facette dissymétrique s'inclinait à ma gauche. En d'autres termes, le paratartrate se présentait comme formé de deux sortes de cristaux, les uns dissymétriques à droite, les autres dissymétriques à gauche. Je vais revenir sur une hypothèse très intéressante, récente, qui est due à un Américain qui s'appelle Joseph Gall, sur la raison pour laquelle Pasteur a remarqué cette existence de deux types de cristaux, donc qui étaient comme l'image l'un de l'autre dans un miroir, et pas d'autres comme Mr. Leach et d'autres éminents chercheurs. Et cette hypothèse intéressante, ça pourrait être dû au fait que Pasteur a été artiste dans sa jeunesse. Il a fait toute une série de pastels, mais il a non seulement fait des pastels, il a fait des lithographies. Or, quand on fait des lithographies, eh bien, on grave une image sur une pierre. Le résultat, c'est l'image dans un miroir de ce qu'on a fait sur la pierre. Et donc, Pasteur était habitué à cette notion de deux objets qui sont comme l'image l'un de l'autre dans un miroir. Et il suggère que ça pourrait être pour cette raison que Pasteur et pas un autre a repéré cette différence. Ça n'est qu'une hypothèse. On ne peut pas être certain, mais c'est une hypothèse quand même très intéressante parce que ses travaux sur les tartrates sont arrivés très peu après la période où Pasteur avait effectivement fait ses pastels et ses lithographies. Et si j'ai bien compris, Clotilde Policar, Ludovic Julien, de ces observations sur la dissymétrie de la molécule d'acide tartrique, Louis Pasteur en vient à la conclusion que une certaine dissymétrie chimique est caractéristique de la vie. Alors en fait, c'est là qu'il y a un tournant dans la carrière de Pasteur. Il aurait pu aller au-delà de sa description, on va dire, qualitative de la dissymétrie moléculaire. C'est pas lui qui le fera, c'est plusieurs décennies après, Lebel et Ventoff, qui vont proposer le fait que le carbone est au centre d'un tétraèdre, et que c'est ça qui explique la forme des molécules. Il est persuadé que les molécules ont une forme, mais il ne sait pas quelle est l'origine, on va dire, atomique de cette forme. Et il va essayer de comprendre comment les phénomènes vivants vont interagir avec cet acide tartrique, et il va constater que les deux acides n'interagissent pas de la même manière au moment de la fermentation, par exemple, avec un certain nombre de ferments, on ne va pas parler de micro-organismes à l'époque, mais de ferments qui sont présents. Il va constater que seul le naturel va être consommé. Il aurait pu s'arrêter là, ça, mais c'est pas ça. Il va se dire, mais ça c'est remarquable. Finalement, la biologie, elle est capable de faire cette reconnaissance de l'une des deux espèces que nous, on a beaucoup de mal à faire. Et petit à petit, par le biais de la dissymétrie moléculaire, il va rentrer dans la biologie et qu'il va vraiment concevoir, et ça c'est intéressant, comme un domaine où la réactivité se fait par reconnaissance de forme. Et ça c'est très très novateur aussi. Et donc, en tant que chimiste, il va apporter énormément à la biologie. C'était la première fois qu'on commençait à penser aux molécules comme des objets à trois dimensions. Et c'est en cela qu'on dit que Pasteur a été le créateur de ce qu'on a appelé après la stéréochimie, puisqu'on regarde, c'est la chimie dans l'espace. Et ça a été très très important, parce qu'aujourd'hui, la biologie moléculaire essaye d'expliquer tous les phénomènes biologiques par des interactions entre molécules, entre ce qu'on appelle des macromolécules, des enzymes avec leur substrat, des récepteurs avec des virus ou des récepteurs avec des hormones, etc. Et ces interactions dépendent exclusivement de la structure tridimensionnelle des molécules. Donc on peut se dire que d'une certaine façon, l'observation initiale de Pasteur a porté en germe la biologie moléculaire d'aujourd'hui. Bien après Pasteur, on a un peu décortiqué la structure des molécules de la biochimie. On s'est aperçu par exemple que les acides aminés étaient pour la plupart de la série L, tournant à gauche, que les sucres étaient pour la plupart de la série D, tournant à droite. La vie est orientée quoi dans l'espace. Et finalement, on pourrait envisager une autre vie de l'autre côté du miroir, où les êtres auraient une biochimie fonctionnant avec des acides aminés D et des sucres L. Et peut-être même que ça existe, que des êtres, voire des gens, utilisent l'autre chimie. Alors, oui, il peut y avoir une vie centrée intégralement, une vie en miroir, mais qui serait une vie énantiomère, énantiomorphe, donc similaire. Ça fonctionnerait exactement de la même manière. Enfin, ça, c'est des questions qui sont encore en débat. Si la nature a sélectionné une certaine dissymétrie ou une certaine chiralité, c'est sans doute qu'il y a un avantage énergétique qu'aujourd'hui on n'arrive pas encore à identifier, mais sur peut-être des grandes espèces, des systèmes polymériques qui ont fait qu'on a plutôt sélectionné au cours de répétitions de cycles, on va dire, de synthèse, ces molécules par rapport à d'autres. Mais ça, c'est un vrai sujet de recherche aujourd'hui encore et qui intéressait déjà Pasteur. Il se posait la question, pourquoi il y a eu une sélection ? amusant. On voit ici un ballon à col de cygne semblable à ceux qui ont servi aux démonstrations à la réfutation de la théorie de la génération spontanée. C'est à vendre aux touristes de passage, ça ? Alors, oui, il y en a qui sont effectivement que l'on peut acquérir, mais on n'en a pas des séries vraiment importantes. Mais effectivement, c'est une reconstitution récente, en pyrex, bien sûr, ce qui n'existait pas à l'époque. Il y a des bustes assez solennels en différents... Alors, oui, ça, ce sont des reproductions du buste de Richier qui est en vente. C'est un moulage reconstitué à partir de poudre de marbre. Ce sont des boules à la neige qu'on voit là-bas ? Oui, c'est des petits souvenirs absolument concernant donc ce laboratoire. Voilà. C'est la maison d'Arbois. Ça, c'est la maison d'Arbois. Plusieurs auteurs anglais du XIe au XVIe siècle mentionnent l'existence d'un arbre à canard ou à oua qui donne naissance à ces volatiles de la manière suivante. Les fruits de l'arbre se transforment en bernacle, mollusque marin, qui, à leur tour, se métamorphose en canard ou en oie. Il est vraisemblable que cette légende s'est accréditée à la faveur d'une coïncidence. Des habitants des côtes de l'Irlande et de l'Écosse avaient remarqué que des arbres tombés à la mer s'étaient recouverts de bernacles et à la même époque, une abondante migration avait fait affluer des oies et des canards sauvages dans les régions avoisinantes. Au XVIIe siècle, un certain Adam Olearius décrit une sorte de melon, commun, dit-il, en Perse et en Moscovie, qui donne naissance à un mouton. L'origine végétale de ce mammifère est donc prouvée. Un médecin bruxellois vivant au début de ce même XVIIe siècle fournit une recette permettant d'obtenir des souris vivantes. Il suffit de placer une chemise sale parmi des grains de froment pour qu'une fermentation se produise qui, au bout de 21 jours, fera apparaître les souris. Les émanations de la chemise ont joué le rôle de principe vital. C'était M. Gaston Cohen qui parlait de la génération spontanée dans le cadre de ses causeries sur les théories de l'origine de la vie. Il y avait deux camps. D'un côté, les spontéparistes ou hétérogénistes, partisans de la génération spontanée, et de l'autre, les panspermistes, qui ne croyaient pas à cette théorie. Pasteur était viscéralement panspermiste. Dans cet affrontement houleux, son adversaire principal était un certain Félix Archimède Pouchet, naturaliste renommé, directeur du musée d'histoire naturelle de Rouen. Il se murmure que ce Pouchet aurait inspiré Flaubert, qui était de Rouen aussi, pour son Pécuchet, l'ami de Bouvard. Par contre, il est peut-être juste intéressant de s'arrêter deux minutes sur ce tableau qui fait face à celui de Pasteur. Parce que là, c'est une forme de reconnaissance et d'hommage de Pasteur, parce que ce monsieur, c'est l'abbé Spallanzani, c'est un biologiste italien du XVIIIe siècle. Donc, vous voyez, là, on est 100 ans avant Pasteur. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est ce tableau était là dès le départ. Donc, pourquoi Pasteur l'a fait installer là ? C'est qu'en fait, quand Pasteur va travailler sur la génération spontanée et qu'il va réussir à remettre en cause cette théorie de la génération spontanée, eh bien, en fait, il a beaucoup travaillé avec les opuscules de ce monsieur Spallanzani, qui déjà 100 ans avant remettait en cause la théorie de la génération spontanée. Donc là, c'est intéressant de noter quand même Pasteur présenté comme quelqu'un bon, qui aime la reconnaissance, c'est tout à fait vrai, qui va néanmoins quand même demander à ce que le portrait de Spallanzani, un de ses précurseurs dans la génération spontanée, soit installé vraiment en regard de son portrait officiel. C'est-à-dire qu'il est redevable de ses prédécesseurs, évidemment. Tout à fait. Je pense que c'est intéressant de le noter parce qu'on a toujours l'impression que voilà, le scientifique, on prend pas mal des autres, on travaille ensemble. Mais là, il faut noter quand même, oui, c'est une marque de reconnaissance vis-à-vis de Spallanzani, un de ses précurseurs dans ses études. Michel Morange, vous êtes professeur de biologie à l'École normale supérieure et à l'Université Pierre et Marie Curie. Quand on s'intéresse aux origines de la vie, on cite souvent ce texte du XVIIe siècle d'un alchimiste qui s'appelle Jean-Baptiste Van Helmont, que Pasteur lui-même cite. Je vais vous le lire. L'eau de fontaine la plus pure, dit Van Helmont, mise dans un vase imprégné de l'odeur d'un ferment, se moisit et engendre des vers. Les odeurs qui s'élèvent du fond des marais produisent des grenouilles, des limaces, des sangsues, des herbes. Creusez un trou dans une brique, mettez-y de l'herbe de basilic pilée, appliquer une seconde brique sur la première, de façon que le trou soit parfaitement couvert, exposer les deux briques au soleil et au bout de quelques jours, l'odeur de basilic, agissant comme ferment, changera l'herbe en véritable scorpion. Et plus loin, si l'on comprime une chemise sale dans l'orifice d'un vaisseau contenant des grains de froment, le ferment sorti de la chemise sale, modifié par l'odeur du grain, donne lieu à la transmutation du froment en souris après 21 jours environ. Et Van Helmont ajoute que les souris sont adultes, qu'il en est de mâles et de femelles, et qu'elles peuvent reproduire l'espèce en s'accouplant. Ça fait très longtemps, au moment où Pasteur se penche sur la question, qu'on s'interroge sur l'origine de la vie, et la controverse sur la génération spontanée est très ancienne, Michel Morange. Oui, mais en même temps, les idées ont quand même beaucoup évolué depuis Van Helmont, qui représente un peu un extrême, parce que l'idée de la génération spontanée, elle est très ancienne. Aristote y croyait lui aussi. Mais Aristote, par exemple, a limité beaucoup plus la génération spontanée que ne l'a fait Van Helmont. Et puis, après Van Helmont, on a le début du recul, en quelque sorte, de la génération spontanée. Recul progressif, avec quelques dates. La première, c'est Redi, qui, au XVIIe siècle, va montrer que la viande laissée à l'abandon produit des vers, mais que si on entoure cette viande avec un grillage qui empêche les mouches d'arriver, la viande pourrira, mais elle ne produira pas de vers. Et donc, il interprète cette expérience comme montrant que les vers qui viennent de la viande en putréfaction, en fait, sont produits pondus par des mouches qui se posent sur la viande. Et au XVIIIe siècle, Spallanzani, un grand biologiste italien, a déjà fait une des premières expériences analogues à celle que fera Pasteur. Il a pris un bouillon qui, je crois, était de viande ou d'herbe, je ne me souviens plus exactement. Il a fait bouillir ce flacon qui contenait ce bouillon, et puis il a fermé le flacon. Le flacon s'est refroidi et rien ne s'est passé. D'où l'idée que probablement, pour Spallanzani, quand un flacon comme ça est contaminé, quand on voit après des petits organismes dedans, souvent des organismes microscopiques, eh bien probablement c'est parce qu'ils sont venus de l'extérieur, ils ont contaminé. Donc dès la fin du XVIIIe siècle, l'idée est là qu'il n'y a sans doute pas de génération spontanée. Mais les deux théories coexistent encore. Les deux théories coexistent. Il y a encore des naturalistes, des biologistes qui croient à la génération spontanée. D'autant que ça s'accorde aussi avec l'idée d'une conception matérielle, matérialiste de l'univers. Au fond, la vie n'est rien de spécial, elle naît de la matière. Et donc, pourquoi n'y aurait-il pas, aujourd'hui comme autrefois, engendrement de la vie à partir de la matière? Et certains naturalistes, par exemple comme Buffon, comme Lamarck, croient tout à fait à la génération spontanée, au moins des micro-organismes, ceux qu'on voit au microscope. Beaucoup de gens à l'époque pensaient que ces microbes qui apparaissaient dans un certain nombre de solutions apparaissaient spontanément à partir du milieu. Il y avait en particulier un dénommé Félix Archimède Pouchet qui défendait cette idée de la génération spontanée. Et Pasteur, au début, ne sait pas. Il confesse son ignorance. Il dit que c'est une question qui vaut la peine d'être étudiée. Mais il se met au travail, et notamment il s'oppose au dénommé Félix Archimède Pouchet. Alors il a fait des expériences extrêmement habiles pour finalement réfuter toutes les expériences prétendant qu'il y avait de la génération spontanée. Et il y en avait beaucoup, parce qu'on savait depuis longtemps que si on avait un ballon dans lequel on avait un milieu où des microbes pouvaient pousser, prenez du bouillon de viande ou l'extrait de levure ou des choses comme ça, si vous le laissez, bon, vous avez des microbes qui vont pousser. Si on prend un ballon contenant un tel milieu, qu'on le fait bouillir de façon à détruire les microbes qu'il y a dedans, et qu'on le ferme, le sel en haut, eh bien, jamais rien va pousser. Donc on va dire, bah, là, c'est la preuve, il n'y a pas de génération spontanée, rien n'apparaît dans ce milieu une fois qu'il a été stérilisé. Mais alors, les tenants de la génération spontanée vous disent, oui, mais c'est parce qu'en chauffant, on a détruit un pouvoir génésique qui fait que la vie ne peut plus apparaître, donc c'est pour ça qu'il n'y a rien qui pousse. Son adversaire dans cette affaire, Daniel Rejvarg, c'est Félix Archimède Pouchet, qui est un assez bon scientifique, qui est directeur du musée d'histoire naturelle de Rouen. C'est un naturaliste, disons. Mais la conception de génération spontanée de Pouchet est assez complexe pour des gens de 1860 à combattre. Donc Pasteur a beaucoup de mal à combattre cette idée... spontané. C'est une idée qui est généralement admise. Qui est plutôt admise, que le microbe est fabriqué par génération spontanée dans tous les mondes de fermentation. Alors, c'est une conséquence cruciale pour Pasteur. Si vous imaginez que les microbes apparaissent par génération spontanée dans le vin, dans la vinification, vous ne pensez plus à faire venir les microbes d'ailleurs. Si vous pensez qu'ils arrivent par génération spontanée dans le corps déjà malade, ça... pousse à une révolution complète dans la perception des microbes. Et c'est l'obstacle auquel Pasteur est confronté. Comment arriver à transformer les microbes de cause, de conséquence en cause? Le microbe n'apparaît pas par génération spontanée, mais le microbe est produit, vient de l'extérieur, vient de l'air, vient de l'eau, vient de tous les endroits où on veut, et il entre et il produit les maladies. En tout cas, la question est très importante, au point que l'Académie des sciences va la mettre à prix. L'Académie des sciences propose 1500 francs pour qui prouvera l'une ou l'autre des théories. Un peu comme aujourd'hui, la résolution de certaines conjectures mathématiques est dotée, parfois très richement d'ailleurs, Michel Morange. Oui, il y a un peu le même état d'esprit. Je pense qu'il y a une question qui est encore débattue et donc en faisant un prix, on espère avoir de bons arguments pour pouvoir trancher le débat et savoir si oui ou non la vie peut naître spontanément de la matière. En même temps, je dirais qu'il y a probablement dans ce prix aussi la volonté d'en finir avec la génération spontanée. À mon avis, l'Académie est déjà convaincue qu'il n'y a pas de génération spontanée. Donc mon avis, c'est à la fois pour trancher, mais c'est aussi parce qu'on aimerait bien pouvoir trancher avec de bonnes expériences qui enfin permettraient d'achever le débat. Oui, alors, deux choses. D'abord, il faut voir que ces travaux sur la génération spontanée ont été très importants pour commencer à faire connaître Pasteur vraiment du grand public. Parce qu'il y avait des aspects métaphysiques. Vous aviez, d'une part, disons, les gens qui croyaient en Dieu et ceux qui étaient dits libres penseurs à l'époque. Alors, si on admettait que la vie pouvait se créer à tout moment, eh ben, il n'y avait pas besoin de Dieu pour ça, et ça, c'était bon pour les libres penseurs. Si au contraire, on disait, c'est pas vrai, la vie ne se crée pas à tout moment, elle vient toujours d'un parent, à ce moment-là, c'était plus en faveur de l'existence de Dieu, si vous voulez. Donc, il y avait des débats très importants autour de ce sujet qui dépassait le cadre scientifique, mais qui arrivait. C'était même assez tendu. C'était même assez tendu. Et il y avait des gens comme le fameux Pouchet qui disait si c'était vrai votre histoire, mais s'il y avait des microbes dans l'air qui permettaient de faire toutes les fermentations, etc., il serait dur comme du fer. Enfin, ça, il voulait pas croire qu'il puisse y avoir tellement de microbes dans l'air. En fait, il n'y a pas besoin d'en avoir beaucoup parce que dès qu'on en a un seul, il va se développer très rapidement dans le milieu adéquat. Ce que dit Pouchet aussi, c'est que Pasteur se trompe. Alors, oui. Quels arguments apporte-t-il à ce sujet, Michel Morange? Alors, on anticipe un peu, mais en fait, Pouchet discute toujours sur les faits expérimentaux. C'est-à-dire, j'ai fait l'expérience, je l'ai bien faite, et j'ai obtenu la genèse de microbes. Ce que fait Pasteur, c'est de dire, si la contamination est due à des microbes, ça veut dire qu'il y a des microbes dans l'air. Si la contamination a des microbes, elle ne doit pas être de même intensité dans des lieux qui sont pollués, on dirait aujourd'hui, et des lieux qui sont propres. Et il va prendre des flacons qu'il a stérilisés, donc, puis fermés, et puis il va les ouvrir dans trois lieux différents, justement. Il les ouvre à Paris, il les ouvre dans le Jura, il les ouvre à la mer de glace dans les Alpes. Il les ouvre et il les referme aussitôt au chalumeau. Il se dit que quand il les rouvre, les rentre, mais c'est un air qui contient plus ou moins d'organismes contaminants. Et le résultat qu'il obtient, c'est qu'effectivement, il fait avec 20 ballons, à Paris, je crois que c'est de l'ordre de 16 ballons qui sont contaminés, dans le Jura, il y en a à peu près 10, et à la mer de glace, il y en a très peu, 2 ou 3, je crois, qui sont contaminés sur les 20. Donc, c'est la contamination de l'air qui apporte ces micro-organismes. Il met en œuvre d'assez gros moyens pour arriver à ses fins. Il a vraiment envie qu'on lui donne raison. Oui, disons, il paye de sa personne puisqu'il monte à la mer de glace avec donc 60 flacons. C'est un peu lourd à l'époque. Puis il les ouvre au niveau de la mer de glace, il les referme. Oui, c'est des gros moyens pour l'époque, d'une certaine manière. J'avais emporté, pour refermer mes ballons sur la mer de glace, une lampe à jet d'alcool. J'ouvre mes ballons et me mets en mesure de les refermer. Chose singulière, le soleil donnant sur la glace, la blancheur de la glace était telle qu'il me fut impossible de distinguer le jet d'alcool enflammé que le vent rendait d'ailleurs un peu mobile. Je ne suis pas parvenu à maintenir, sur l'extrémité filée du col, le jet de la flamme assez longtemps pour pouvoir en fermer l'ouverture. Je ne la voyais pas. Vous me direz, vous auriez pu faire ombre autour de votre lampe. Avec vos vêtements, oui. Mais les vêtements auraient été source de poussière. Et j'aurais couru le risque d'introduire dans l'air que je voulais recueillir, précisément, ce que j'avais intérêt à éloigner. Je fus obligé de passer la nuit à la petite auberge du Mont-en-Vert et de recommencer l'expérience le lendemain avant le lever du soleil avec une autre série de 20 ballons. Louis Pasteur, conférence faite aux soirées scientifiques de la Sorbonne, le 7 avril 1864. Les hétérogénistes, en réunissant tous les éléments biologiques favorables et en employant des substances plus altérables, obtiennent constamment des animaux ou des plantes dans leurs appareils. Un décimètre cube d'air pris dans les villes, sur les montagnes, au milieu de la mer ou dans la profondeur des grottes, dans leurs mains est toujours fécond. Si M. Pasteur rapportait du Mont-en-Vert des ballons stériles, nous, en nous élevant beaucoup plus haut dans les Pyrénées et jusque sur les glaciers de la Maladetta, nous en redescendions avec des ballons remplis d'animalcules. Les pics de l'Aragon, plus sauvages et plus altiers que le Mont-Blanc, venaient lui donner un splendide démenti. L'étude de la micrographie atmosphérique nous a prouvé qu'il n'existait ni œufs ni spores dans l'air. L'expérience confirme cette assertion et démontre que les expériences d'ensemencement sont absolument illusoires. Dans celle-ci, on sème l'inconnu et l'on récolte le produit du hasard. Félix Archimède Pouchet, conférence parue dans la Revue des cours scientifiques, 1864. À ce stade-là, ça n'est guère qu'une intuition. Et finalement, Pasteur comme Pouchet met sa réputation en jeu en se lançant là-dedans. Il pourrait la mettre en jeu, c'est clair, il y a un risque, mais je pense que le débat est déjà d'une certaine manière tranché par de nombreux biologistes naturalistes. Et par conséquent, cet affrontement sera une sorte de vérification. Je pense que pour lui, c'est plutôt une vérification. C'est l'opportunité de penser à prouver expérimentalement de manière particulièrement convaincante qu'il n'y a pas de génération spontanée, que tout ce qu'on croit être de la génération spontanée est de la contamination par des microbes venant de l'extérieur. Donc c'est là qu'est le défi, je pense, pour Pasteur. Faire des expériences convaincantes. Quoi qu'il en soit, dans ce débat, des deux côtés, il y a des expériences. Des deux côtés, il y a des expérimentateurs. Par conséquent, la question est réduite en ces termes. Qui est-ce qui se trompe ? Qui est-ce qui expérimente à la Van Helmont ? Qui est-ce qui laisse entrer des souris dans le pot de linge sale à son insu et les proclame ensuite des générations spontanées ? Est-ce vous, partisan de la doctrine ? Est-ce moi, son adversaire ? C'est ce qu'il s'agit de déterminer maintenant avec précision. Vous n'attendez pas sans doute de moi, messieurs, que je rapporte toutes les expériences en litige. Ce serait fatiguer inutilement votre attention. Je choisirai parmi les plus importantes. Pasteur, c'est un peu un fou de travail, donc quand vous lui mettiez un problème, quand les gens faisaient une manip, lui, il répondait par 100 manips. Donc, c'était une bête de travail quand même. Hein. Donc, comme bête de travail, quand quelqu'un vous dit, voilà un résultat, lui, il fait 100 manips pour vérifier le résultat, donc forcément, il découvre. Et en fait, la science avance là de la confrontation entre Pouchet et Pasteur. Plus Pouchet travaille cette question, plus Pasteur est obligé d'aller loin dans les manips. Et la controverse là, a un effet extrêmement bénéfique pour la science. À chaque fois que Pouchet l'embête sur un truc, Pasteur trouve une solution technique, de laboratoire, de démonstration, pour dire non, il a tort, non, il a tort, non, il a tort. Donc, mais si on prend du point de vue de l'avancée de la science neutre, en disant Pouchet disait n'importe quoi, on fait probablement une erreur, un anachronisme. Pasteur a gagné, bien sûr, mais il a gagné dans le débat, et c'est ce débat qui a fait affiner aussi les techniques pasteuriennes. Il a une imagination admirable de ce point de vue-là. Parce qu'il faut les concevoir, les expériences qui vont établir tel ou tel progrès. Oui, alors il les multiplie. D'abord, c'est un fou de travail, Pasteur. Fou de travail au point où il invente les ballons à colle de cygne, il invente tout un tas de formes d'objets de laboratoire qui vont lui permettre de contester les idées de Pouchet. Ensuite, il découvre des situations expérimentales particulières. Il va au sommet de la Tour Saint-Jacques, il va sur la mer de glace au Mont-Blanc. Donc, non seulement il multiplie le matériel, mais aussi il multiplie les situations expérimentales. Donc on voit des bouillons de culture, bouillons de poule, bouillons de veau. Sylvie Morel, conservatrice du musée Pasteur d'Arbois. Ça servait de nourriture hein, pour les micro-organismes. Alors ceux-là sont nickel, hein, ils n'ont pas bougé, ils sont complètement limpides. C'est normal puisqu'ils ont été stérilisés et que les flacons n'ont jamais été ouverts. Preuve supplémentaire, s'il leur fallait encore une, que la génération spontanée n'existe pas. Non, en l'absence de contamination, les microbes ne peuvent pas apparaître n'importe où, n'importe comment. Heureusement d'ailleurs pour nous. Hein. Et puis donc, il y a ce fameux col de cygne. Alors ça, c'est la plus belle expérience que je pense que Pasteur nous a laissée. Là, à l'intérieur, vous avez toujours ce même bouillon nutritif, hein, très appétissant pour les microbes qui sont autour de nous dans l'air. Le bouillon a été stérilisé au 19e, mais vous voyez bien que le col n'est pas fermé, hein, il s'allonge, il se courbe, et finalement, il est ouvert. Depuis le 19e siècle, l'air entre à l'intérieur du bocal. L'air entre, oui, mais les microbes, visiblement, ne sont pas rentrés. Si les microbes étaient entrés dans la bouteille, ils auraient commencé à manger la soupe, et on aurait des moisissures à la surface. Or là, on voit bien que l'intérieur, le bouillon est tout aussi limpide que les autres petits frères qui sont fermés hermétiquement. Et ça nous permet de mieux construire notre image mentale des microbes. C'est difficile de parler d'êtres qu'on ne voit pas qu'avec l'aide d'un microscope. Hein. Les gens n'imaginent pas forcément que les micro-organismes ont une masse ou ont une taille. Et que du coup, ils sont sensibles aussi aux lois de la gravité. Là, tant qu'il y a des courants d'air autour de nous, ils vont pouvoir flotter, se déplacer, contaminer, pas de problème. Mais quand ils arrivent dans la courbure du col, il n'y a plus de courant d'air. Du coup, ils tombent. Et vu que le tuyau est très sec et que les microbes détestent les milieux secs, ils ne peuvent pas remonter la côte. Et du coup, la soupe est protégée de leur attaque mécaniquement depuis le 19e siècle. Donc on peut arrêter mécaniquement les microbes et ça peut durer très, très longtemps. Hein. Les flacons ne sont pas contaminés. Je pense que maintenant, ils ont dû rajouter des antibiotiques, à mon avis, parce que depuis un siècle et demi, quand même. Mais ils sont toujours là. Et alors, officiellement, ils n'ont pas bougé. Officiellement, ils n'ont pas bougé. Et dernière expérience que fait Pasteur, c'est que très doucement, il va laver le col de cygne avec le liquide du flacon. Donc, en retournant, il lave le col de cygne. Il fait circuler le liquide qui est dans le flacon dans le col de cygne pour ramasser ce qui a été collé sur les parois. Et là, immédiatement, le flacon se contamine. Donc, c'est là où Pasteur est beaucoup plus créatif dans sa démarche que Pouchet. Pasteur a fait ses expériences sur la mer de glace, en montrant que, dans la plupart des cas, les ballons ne se contaminaient pas, alors que Pouchet faisait des expériences comparables dans les Pyrénées. Or, les ballons de Pouchet se contaminaient systématiquement, et ceux de Pasteur ne se contaminaient pas. Plus en plus mystérieux. Donc, en principe, Pouchet et Pasteur devaient venir dans l'académie, défendre leurs arguments, et Pouchet n'est pas venu. Il s'est dégonflé, comme on dirait. On ne sait pas très bien pourquoi. Or, en fait, si ce n'était pas dégonflé, eh bien, il y aurait eu un problème. Parce que Pouchet n'avait pas tout à fait tort. Il avait tort en ce sens qu'il n'y avait pas de génération spontanée. Ça, c'est bien Pasteur qui avait raison. Mais une chose que Pasteur ignorait à l'époque, c'est que certaines bactéries font des spores, et on aura à revenir sur ce sujet-là, ce sont des formes extrêmement résistantes qui ne sont pas détruites par l'ébullition. Or, il se trouve que Pasteur, il utilisait comme milieu ce qu'il appelle de l'eau de levure. Il avait des cultures de levure, il faisait un extrait de levure, et c'est ça qui servait comme milieu de culture. Quant à Pouchet, il utilisait des décoctions de foin. Or, il se trouve que dans le foin, il y a une bactérie qu'on appelle aujourd'hui Bacillus subtilis, qui donne des spores. Et donc, dans la décoction de foin, même si vous la faisiez bouillir, vous détruisiez les bactéries, mais vous ne détruisiez pas les spores. Donc, il pensait avoir stérilisé son milieu, mais il n'était pas stérile, il y avait des spores dedans, et c'est pour ça que ça poussait. Mais bon, on connaissait pas les spores à ce moment-là, et si Pouchet était venu face à Pasteur, je pense que les académiciens auraient été bien embêtés parce que les arguments étaient contradictoires et on pouvait pas dire que l'un avait raison ou l'autre. Et heureusement, Pouchet n'est pas venu. Il a abandonné la partie, on ne sait pas vraiment pourquoi. Et donc, c'est Pasteur qui a eu le prix et ça n'est que plus tard que Pasteur lui-même a découvert les spores. En 1862, Félix Archimède Pouchet abandonne. Il couche le roi, comme on dirait aux échecs. Michel Morange. Oui, il abandonne, mais il abandonne en disant que c'est simplement que la commission ne lui est pas favorable, qu'elle a déjà des idées a priori et que donc elle n'est pas finalement elle n'est pas fair play. Ça a été d'ailleurs repris récemment par certains sociologues des sciences en disant voyez ce fameux débat Pasteur-Pouchet qu'on présente traditionnellement comme un débat scientifique. En fait, c'est un débat qui montre tout le poids de l'autorité dans la science, puisque c'est Pasteur, c'est sa personnalité, ce sont ses relations qui font que Pasteur l'emporte, bien plus que des expériences, puisque Pasteur ne refait pas les expériences de Pouchet, il les conteste de manière un peu rapide en disant il a contaminé. Bon, c'est facile à dire, mais il ne prouve rien. Donc, voyez une controverse scientifique qui en fait une controverse sociale, plus la dimension philosophique qu'on n'a pas encore abordée, que Pasteur va clairement dire qu'avec l'absence de génération spontanée, il a fait reculer la théorie matérialiste qui voudrait que la vie vienne de la matière, que l'homme vienne naturellement de la vie, la théorie de l'évolution, et donc on n'a plus besoin de Dieu dans tout ça. Mais il ajoute, et alors là c'est assez amusant, il ajoute à la fin, mais de toute façon, je vous dis qu'il n'y a pas de génération spontanée simplement parce que j'ai observé qu'il n'y a pas de génération spontanée. Si j'avais observé l'inverse, je vous l'aurais dit également. C'est la science simplement que nous devons croire en quelque sorte. C'est elle qui nous dit ce qui est, ce qui n'est pas. Ce ne sont pas nos idées philosophiques. Là aussi, on lui a beaucoup reproché, bien que je pense qu'il est relativement sincère. Pasteur fait passer la science avant ses convictions religieuses, avant son vitalisme. Et il l'a dit, je crois, dans un autre texte, un peu brutalement, si la science nous dit quelque chose, c'est à la religion de s'adapter à ce que dit la science. Vive les Tartrates, à bas la génération spontanée. Avec Daniel Rejvarg, professeur à l'université de Dijon, Philippe Brugnot, médecin à Arbois, Clotilde Policar et Ludovic Julien, professeur de chimie à l'École normale supérieure, Maxime Schwartz, ancien directeur général de l'Institut Pasteur, Michel Morange, professeur de biologie à l'École normale supérieure, Alain Marchal, de la maison natale de Pasteur à Dole, Muriel Hilersoul, conservatrice du Musée Pasteur de Paris, Sylvie Morel, conservatrice du Musée Pasteur d'Arbois. Texte lu par Daniel Koenigsberg et Mathilde Wagman. Merci à Aurélie Pertuison du service de presse de l'Institut Pasteur et au café Les Bancs Publics à Paris 19e. Bibliographie sur franceculture.fr. Coordination Perrine Kervran. Attachée de production Marie-Vonne Abolivier. Archivina Hervé Evano et Viviane Lefebvre. Prise de son Sandrine Malon et Georges Thau. Mixage Alain Joubert. Un documentaire d'Olivier Chaumel, réalisé par Rafik Zénine. LSD à l'heure d'été, c'est fini pour aujourd'hui. Et pour nous réécouter au labo, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonne Abolivier, Mathias Mégy et Annelise Signoret. Vous pouvez aussi nous podcaster sur l'application Radio France et ailleurs, et nous suivre sur Twitter et même sur Instagram. Demain, deuxième épisode, intuition, fermentation, atténuation.